Le rassemblement des propagandistes du parti en pèlerinage aux anciens champs de bataille révolutionnaires du secteur du Mont Pectou pour prêter serment a eu lieu le 11 courant à la cour d'honneur devant la statue du président Kim Il-sung érigée au grand monument de Samdion. Les participants ont tout d'abord déposé les bouquets de fleurs devant sa statue et formulé leur hommage. Les orateurs ont indiqué qu'à travers le dernier voyage, ils ont su plus profondément la grandeur des grands leaders et la brillante tradition révolutionnaire de notre parti et qu'ils sont devenus forts dans l'idéologie et la foi, infiniment fidèles à la direction unique du parti. Et ils se sont déterminés à se mettre à la tête de l'œuvre pour la victoire finale avec l'âme et l'esprit du Pectou afin de s'acquitter de la mission sacrée assumée devant le parti et la révolution. Précédemment, les pèlerins ont visité le Discouron, la centrale de la jeunesse héroïne Pectosan, et tenu le meeting pour les impressions.